ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, le LSD, la drogue emblématique de la génération hippie. Le LSD est une drogue qui est extrêmement puissante. Quand il est absorbé par la bouche, il va commencer à faire effet au bout de 15 à 45 minutes. C'est ce qu'on appelle la montée. Au bout de 45 minutes, vous avez l'effet maximal qui peut durer de 5 à 6 heures. C'est ce que les jeunes appellent le high. Le médecin psychiatre Louis Chaloux, à l'émission Médecine aujourd'hui, en janvier 71, LSD, trois petites lettres pour décrire cette puissante drogue que l'on va très rapidement associer à la contre-culture hippie des années 60 et 70 et qui va donner naissance à l'art psychédélique. Les effets hallucinogènes du LSD sont si éblouissants qu'on va chercher très, très vite à les reproduire en son et en image dans la culture populaire de ces années 60 et 70. Yourself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. Le LSD est vraiment une drogue à part. C'est absolument incroyable l'histoire du LSD. Il y a un âge d'or du LSD qui va de 1947 à 1964, où le LSD était considéré comme une panacée universelle, comme le Messie, la drogue qui allait sauver l'humanité, etc. Le LSD était considéré par l'élite qui savait s'en servir, l'élite psychiatrique ou artistique qui s'en servait comme vraiment un produit magique de premier ordre. Je dis, c'était Dieu. Et après 64, lorsqu'il y a toute la controverse qui commence aux États-Unis et que finalement ça devient illégal et que là le LSD devient l'acide, le LSD de rue, là c'est le diable. Et c'est vraiment tout le contraire. Là, c'est un produit dangereux, très subversif, qui tue le cerveau des gens, qui détruit les chromosomes, qui rend fou. Sur la chanson des Beatles, Lucy in the Sky with Diamond, allusion directe au LSD, vous entendiez George Kahl, cofondateur du magazine Mainmise, dans le documentaire radio De l'opium au chocolat, diffusé en 1986. Pour nous raconter l'histoire du LSD, j'accueille l'historienne Catherine Ferland. Catherine Ferland, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que ça évoque, ces trois petites lettres LSD, aujourd'hui encore, entre nos deux oreilles, dans l'imaginaire collectif occidental, quelle résonance a encore le LSD? Pour la génération qui est plus jeune, c'est un petit peu la grand-mère de tous les hallucinogènes qui vont suivre par la suite. C'est vraiment une drogue mythique. Hein, ouais. On ne se le cachera pas. Il y a vraiment une aura artistique, culturelle, exceptionnelle qui ne s'est probablement jamais vue autour d'une autre substance de ce type-là. Donc, le LSD a vraiment une histoire à part, une histoire fascinante. Qui, pourtant, n'est à peu près plus, à peu près plus consommée aujourd'hui. Effectivement. Ouais. Qui a été détrônée par toutes sortes d'autres substances qui vont avoir d'autres effets aussi, dont on pourra reparler. Et qu'est-ce que ça désigne ces trois petites lettres? Que signifient d'abord les trois lettres et qu'est-ce que ça désigne? En fait, il s'agit de l'acide lysergique de l'ergot. Et c'est un acide qui est un composé qui est présent naturellement dans l'ergot de seigle, un petit champignon qui se développe là, comme ça sur les épis de seigle. D'ailleurs, il y a certaines personnes qui ont travaillé, certains journalistes et certains historiens surtout, qui ont travaillé sur la question du LSD au Moyen-Âge. Le Moyen-Âge qui ne connaissait pas le LSD comme tel, mais qui a vu des épidémies incroyables d'ergot. Ah bon? Donc, qui avait des parentés tout à fait pertinentes à faire avec le LSD parce que c'était les mêmes types d'effets, des hallucinations collectives et vraiment des effets monstres. Et on est capable de faire des parallèles intéressants entre ce qui se passait autrefois et ce qu'on va observer à partir des années 60. Parce que la substance, les composantes, en fait, existaient à l'époque aussi, au Moyen-Âge. Donc. Tout à fait. Donc, avant que ça soit, disons, synthétisé, bien, ça existait à l'état naturel. Dans quel contexte on découvre le LSD moderne, là, c'est ce qui va donner cette substance très hallucinogène. Oui, ben on a un chercheur à un moment donné qui s'appelle Albert Hoffman. Albert Hoffman travaillait sur toutes sortes de substances pour essayer de distiller, d'aller chercher les substances actives les plus pures possibles dans certaines substances. Et il travaillait donc sur l'ergot de seigle en essayant d'aller chercher comme ça une molécule avec laquelle il pourrait travailler d'un point de vue psychiatrique, d'un point de vue médical, parce que c'était un médecin. Donc, un jour de 1943, Albert Hoffman va réussir à synthétiser cette substance-là et en absorber une petite quantité par accident. Oui. Et ça va vraiment ouvrir des portes. Oui. En fait, au début, c'est vraiment de la recherche pharmaceutique. Là. Oui, ça commence en 1938. En 1943, il y aura le premier bad trip de l'histoire. Mais la démarche pour lui, c'est de... Il travaille entre autres sur la circulation sanguine. C'est vraiment un médicament. On essaie de trouver avec cette substance-là. Pour des pharmaceutiques, voilà. Tout à fait. On est dans une perspective médicale ici. Mais tout à coup, effectivement, va se produire le premier trip au LSD de l'histoire. On l'écoute, Albert Hoffman, raconter ce qui se passe. Il en consomme deux fois. Une première fois carrément par accident. Il s'intoxique par accident. Puis il va en consommer volontairement parce qu'il veut comprendre ce qui s'est passé la première fois. Il va en consommer volontairement aussi quelques jours plus tard, en 1943. Extrait donc d'une entrevue réalisée avec Albert Hoffman. Le monde extérieur avait changé d'une manière fantastique. Cet état de conscience extraordinaire disparu après quelques heures et je ne savais pas quelle était la cause. J'attribuais quand même cet incident à une intoxication de laboratoire. Et je soupçonnais que quelques traces de l'LSD étaient entrées involontairement dans mon corps. Et pour vérifier cette substance, je fis une expérimentation planifiée sur moi-même avec une très petite dose, soit un quart de milligramme. Cette dose minime de l'LSD me plonge dans un état d'ébriété qui dura à peu près 12 heures et qui était accompagné de troubles psychiques très, très profonds. C'était la découverte de l'action extraordinaire psychique de l'LSD. Extrait du documentaire radio de l'opium au chocolat. On le voit bien. En tout cas, Albert Hoffman, lui, l'a très, très bien vu. Les effets du LSD, ils sont très, très puissants. Il fait cette expérience en 1943. Il peut même pas se retourner chez lui tout seul. Non. Oh, non, non. Ben, en fait, il a pris sa bicyclette. Ouais. Il a pris sa bicyclette et d'ailleurs, c'est un... Accompagné d'une de ses assistantes. Oui, c'est un des événements fondateurs du psychédélisme. Cette scène de la bicyclette, d'ailleurs, qui va orner, il faut le dire d'un point de vue pop art, là, les premiers timbres de LSD, carrément. Et quand on parle d'Albert Hoffman, on le représente souvent sur la fameuse bicyclette avec ouais. des couleurs et tout ça. Donc, il y a vraiment cette idée là, fondatrice de ce retour à la maison après l'expérimentation. Et le thème, c'est qu'effectivement, on le consomme de différentes manières, le LSD, mais souvent, c'est carrément un petit thème qu'on ingurgite, qu'on se met sur la langue. Oui. Et c'est comme ça qu'on consomme du LSD. Effectivement, pour la contre-culture là, dont on pourra reparler tout à l'heure. Oui. Mais très puissant, donc. Ça, on le voit. L'effet, il est très, très puissant. Foudroyant. Foudroyant et des effets, comme le disait M. Hoffman lui-même, qui peuvent durer des heures, demi-journée et dans certains cas, même plus de 24 heures. Donc, ces effets-là avaient des, on va dire, des répercussions au niveau psychique qui étaient beaucoup plus importantes que, bon, la simple prise d'un intoxicant, on va dire, ordinaire, oui. Duquel on peut ressortir passablement amoché physiquement, mais bon, on va se remettre. Alors que là, on assiste à, disons, l'émergence d'une des premières drogues, on va dire, expérimentales, où on peut modifier la psyché humaine. Et d'ailleurs, c'est ce qui va expliquer qu'on va lui attribuer le vocable de drogue psychédélique parce qu'on vient vraiment intervenir dans le cours de la construction mentale de ceux qu'il consomme ou auxquels on l'administre. Et ça fait que certains chercheurs vont essayer d'utiliser, puisque cette drogue-là, elle a ce pouvoir que vous décrivez, on va faire de la recherche. Là. En psychothérapie, en psychiatrie, oui. Il y aura beaucoup de recherche qui va se faire à partir du LSD. Les premières expériences, c'est des expériences médicales et psychiatrique. Effectivement, et le terme, on pourrait le dire, c'est hallucinant de voir à quel point on va tester les applications concrètes du LSD, justement en psychiatrie. On va l'administrer à des groupes de patients pour vérifier, par exemple, si on peut modifier la personnalité, si on peut, disons, intervenir dans une psychose, si on est capable de modifier le cours d'une dépression. Bref, il y a eu toutes sortes d'essais qui ont été faits à partir du LSD en application concrète, là, pharmacologique. Et des fois, bon, ça ne s'est pas toujours fait dans les les règles de l'art, mais il y a eu beaucoup d'expérimentations à l'échelle occidentale, faut le dire, hein, parce qu'il y a eu de ça en Europe, il y en a eu aux États-Unis, il y en a eu même ici au Québec. Donc, c'était un champ de recherche tout à fait nouveau, très, très fascinant là, pour les équipes qui s'y sont mises. Les chercheurs, les scientifiques vont donc faire leur recherche de leur côté. La CIA va aussi s'intéresser au LSD. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on veut faire? Quelle utilisation, quel usage on veut faire du LSD? Bien, en fait, Jacques, il faut se reporter à un contexte très particulier qui est celui de la guerre froide. On a cette substance qui, tout à coup, pourrait modifier la psyché et on est en plein conflit avec l'ex-Union soviétique, le bloc de l'Est, et on dit, bon, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Est-ce qu'on peut en faire une sorte de drogue de vérité, de sérum de vérité? Est-ce qu'on peut modifier le comportement des soldats pour qu'ils soient plus agressifs sur le champ de bataille? Bref, il y avait plusieurs avenues possibles autour du LSD et ce sont ces avenues-là qu'on va tester à plusieurs reprises dans le cadre d'un projet de la CIA qui est maintenant déclassifié, mais à l'époque qui était tout à fait secret, le top secret, mais MK Ultra. Et ce projet MK Ultra avait des ramifications jusqu'ici à Montréal. Donc, il y avait une affiliation avec l'hôpital McGill et des chercheurs qui étaient là, qui administraient du LSD à des patients qui n'étaient pas en état de signer quelconque autorisation de traitement. Ça s'est fait de façon très, très discutable, on va dire, mais c'était dans cette idée de tester les applications sur la psyché humaine dans une visée, on va dire, pas seulement politique, mais même de guerre. Oui, et ça va se faire quelques années, donc, ces expériences. Et à Montréal, ça va durer quelques années? Oui, ça dure quelques années. Et le temps que ça devienne, bon, que ça soit porté sur la place publique, la personne, en fait, qui était responsable de ces activités-là, ce qui était un Dr. Cameron. Dr. Cameron, ce qui est étonnant, c'est qu'il avait quand même siégé au procès de Nuremberg comme jury pour essayer de traiter les fameux crimes de guerre commis par les nazis. Et là, on le retrouve à Montréal, qui commet presque pire, d'une certaine façon, en expérimentant sur des enfants, sur des femmes, les effets du LSD. Donc, oui, ça, le temps que ça soit mis à la lumière du jour, et on a fait cesser ces expérimentations-là, mais il y avait eu énormément de victimes entre-temps. Parce qu'effectivement, tout ça va finir. Il y a un virage au milieu des années 60, début milieu des années 60. Le LSD est un peu proscrit, rendu, on ne l'utilise à peu près plus, est rendu illégal. Plus de recherche autour du LSD ou à peu près. Étrangement, c'est à partir du moment où on interdit le LSD que la contre-culture s'en empare. Dans quel contexte se fait l'apparition du LSD? Le LSD de rue, l'acide, comment ça se passe l'arrivée de l'acide dans la culture populaire? Bien, en fait, comme toutes les substances qui sont illégales, bien, ça va attirer l'attention, justement, de toute une frange de plus ou moins marginale de gens qui vont dire, bon, est-ce que cette substance-là qui est tout à coup interdite, elle pourrait pas avoir des effets récréatifs? Et comme, entre-temps, les travaux de Hoffman ont été publiés, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Hein. Il y a beaucoup de monde qui sont au courant de ces effets de lumière sonore, de ce que ça peut apporter comme effet sensoriel, bref. Et on va s'y intéresser d'un point de vue, cette fois-ci, récréatif. Et on est dans un drôle de contexte aussi. Il y a cette fameuse guerre du Vietnam. Et on essaie de chasser un peu cette morosité géopolitique qui a fadi tout le monde. Et cette drogue, le LSD, apparaît un peu comme la lumière, comme l'élément un peu festif là, qui va pouvoir brasser tout ça et, disons, s'affirmer là, face à cette morosité. Il y aura des artistes qui se feront un peu chantre du LSD. Timothy Leary, entre autres, sera très, très important. Oui, qui est un médecin à la base. Hein. Timothy Leary, qui était un professeur à Harvard et qui va devenir un peu le pape du psychédélisme. Oui. Il se fait le chantre du LSD sur plusieurs tribunes. Il va publier des livres là-dessus. Et il va, disons, essayer de cautionner d'un point de vue social le LSD. Ce qui fait qu'il va entraîner dans son sillage toute une génération aussi, la Beat Generation, qui va se mettre au LSD. Ça va avoir des impacts dans la littérature, dans les arts. Donc, il y a vraiment un mouvement de fond qui va se produire avec Timothy Leary, là, qui va démarrer toute cette effervescence autour du LSD. Pourquoi un tel succès, un tel engouement autour du LSD? Pourquoi est-ce qu'on consomme, qu'on veut consommer du LSD? Évidemment, pour ses effets fortement hallucinogènes. On écoute, vous allez voir, c'est assez fabuleux, l'extrait qu'on vous présente maintenant. Le journaliste Paul Chantraine, à l'époque, qui fait l'expérience du LSD devant les caméras de l'émission Aujourd'hui, le 23 mai 1966. Et voici ce que ça donne. Alors, on va le prendre. Il faut le mâcher longtemps. On va aussi mâcher le papier après. Pour ne rien perdre. Ça goûte rien, ça sent rien, c'est incolore, insipide. Il y a comme un truc clair, puis un truc vachement lumineux là-bas, violet. Quelque chose violet là-bas. C'est marrant. Ça, c'est une caméra. Des petits points. Des petits points. Qu'est-ce qu'ils font, les petits points? C'est microscopique, c'est... Pourquoi on va me poser la question? Pourquoi on me laisse pas simplement ici à regarder ce que je vois? C'est une couleur, c'est une sale couleur d'ailleurs. Il y a du rose, il y a du vert, il y a du jaune, du gris aussi, il y a toutes les couleurs. C'est la couleur la plus neutre qu'on puisse avoir. Mais ça fourmille. Ça fourmille, c'est comme des dessins de labyrinthe qu'on voyait dans les petits journaux d'enfants, là. On voyait des dessins de labyrinthe, des choses qui s'emboîtaient. Monsieur Chantraine, si vous aviez maintenant un autre morceau de papier buvard, imbibé d'acide synthétique, lysergique, dia, etc., etc., etc., etc., seriez-vous prêt à en reprendre? Réponse. Je ne voudrais pas l'admettre, mais oui. Pourquoi? Parce que j'ai vu le monde tel qu'il était et j'ai peur d'y retourner. Stop the world, I want to get off. Que dire de ce formidable extrait où Paul Chantraine expérimente d'abord le LSD devant les caméras et puis réagit plus tard, on l'entend réagir plus tard à l'expérience qu'il a vécue, en admettant qu'il voudrait bien y retourner, comme on dit. Que cherche-t-on et que trouve-t-on surtout dans le LSD, Catherine Ferland? Bien, en fait, ce que je retiens de cet extrait-là, que je trouve fabuleux, là, les deux bras m'en tombent, j'adore, l'effet d'abord de fourmillement qui est décrit, hein, l'effet de labyrinthe, de forme qui s'emboîte et tout ça, qui est tout à fait caractéristique de l'intoxication au LSD. D'ailleurs, on va le retrouver dans des motifs, les populations qui le consommaient de façon rituelle, là, dans les populations autochtones qui utilisaient des hallucinogènes, on va retrouver souvent ce type de motif dans les arts, le fait justement de créer un emboîtement comme ça. Et d'ailleurs, cet effet-là de multiplication des formes, on va le retrouver aussi dans la musique qui va être créée sous influence du LSD. Cette idée-là de sons qui se démultiplient et tout ça. Donc ça, c'est fort intéressant. Et l'autre élément, c'est quand il dit cette impression d'avoir entrevu quelque chose d'autre et que ça lui donne envie d'y retourner. Ça aussi, c'est un élément qui m'apparaît intéressant parce que, encore là, ça correspond à ces expériences sous influence du LSD qui sont décrites justement de portes qui vont s'ouvrir, quand on pense aux fameuses « doors », donc d'ouverture des portes de l'esprit et de dimensions psychologiques. Et d'ailleurs, Jacques, c'est intéressant de voir que ça survient à une époque où, justement, il y a une perte de religion. Oui. Hein, on est dans les années 60, il y a une désillusion qui s'installe profonde face aux religions traditionnelles à cette époque-là. Et on a l'impression que Dieu nous a abandonnés. Et tout à coup, ben, cette drogue qui semble ouvrir des portes, qui arrive un petit peu en renfort, si je puis dire. Donc, d'un point de vue sociologique, c'est extrêmement intéressant. Qui amplifie les sens, qui provoque toutes sortes d'images. Il y a vraiment... En fait, il y a probablement même, puis il y a peut-être des études qui ont été faites sur la codification des formes que provoque dans nos têtes le LSD, parce que on va essayer de les reproduire, ces formes-là, ces motifs, ces hallucinations que provoque le LSD dans l'art psychédélique. Parce que l'art psychédélique va naître de cette consommation de LSD, au Absolument. Fond. Il y a une conséquence directe au niveau des arts qu'on va observer. Par exemple, les affiches des groupes musicaux psychédéliques de l'époque. Grateful Dead, Joe and the Fish, Jimi Hendrix, évidemment. Quand on regarde les affiches de spectacles, l'iconographie associée à ces artistes du mouvement psychédélique, il y a toujours ce mouvement de vibration, les mauves, les roses, le vert, le jaune, cet effet tourbillonnant qui va être présent, qui est tout à fait conséquent avec ce qu'on sait du LSD. Donc oui, il y a un effet direct sur les arts graphiques, sur la musique également, qui va s'observer. Jimi Hendrix, on en parlait à l'instant, Catherine Ferland, ce sera l'un des dignes représentants de la musique psychédélique. Qui sont les grandes figures artistiques? Vous parliez d'art visuel, la musique évidemment aussi. Oui. Qui seront ces grands ambassadeurs de cette culture, de cet art du psychédélisme? Bien, on pense aussi aux Beatles, évidemment, du côté musical. Tout à l'heure, en entrée de jeu, on avait Lucy in the Sky with Diamonds, LSD. Sir Paul a admis effectivement que c'était pas fortuit. On le savait, mais bon, ça a été admis. La chanson va être interdite à un moment donné en Angleterre. Absolument. Puis sur plusieurs chaînes, il y a des pays où ce type de musique-là était totalement interdit. On disait que c'était la musique du diable, précisément, et que ça pouvait inciter la jeunesse à consommer le LSD et les autres drogues de ce type-là. Au cinéma aussi, il va y avoir une influence. Il y a le film The Trip, qui a été scénarisé et joué par Jack Nicholson en 1967. Donc ça, c'est encore là la mise en scène d'une expérience psychédélique dans toute sa splendeur. Il y aura d'autres expérimentations cinématographiques du même acabit aussi dans ces années-là. Donc c'est très foisonnant comme production. Au niveau culturel, ça a vraiment marqué un tournant et même après l'essoufflement du mouvement psychédélique lui-même, c'est comme s'il avait laissé sa marque dans les arts visuels. On va régulièrement revoir un graphisme, revoir une esthétique associée à ce mouvement-là, même encore de nos jours, alors que ça n'a plus de lien avec le LSD lui-même, on s'entend, mais ça a laissé sa marque d'un point de vue graphique. Le LSD la consommation de LSD va s'essouffler, va décliner à partir des années 70. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? En fait, je pense que c'est l'arrivée des autres drogues essentiellement qui va marquer le coup et le changement aussi dans l'ère du temps. Parce qu'on arrive dans les années 80 à une période, bon, on le sait, avec les récessions économiques, on en a eu ici au Canada, il y en a eu aux États-Unis, il y en a eu un peu partout. Les temps sont difficiles, c'est une ère de productivité et à une ère de productivité, on répond par des drogues de productivité, donc la cocaïne, les drogues qui sont, on va dire, engourdissantes pour essayer un peu de s'évader de ce rythme-là, donc l'héroïne, qui va intervenir aussi, ce sont des drogues qui vont, j'oserais pas dire chasser, mais disons détrôner le LSD comme drogue d'utilisation, mais leur usage se fait pas du tout dans la même perspective. Alors que le LSD pouvait être consommé dans une perspective de recherche d'expérience, ici on est plutôt dans la performance, dans accroître les possibilités physiques avec la cocaïne ou avec l'héroïne, plutôt dans... On est vraiment ailleurs. Donc, il y a vraiment un changement d'air du temps là, qui va s'opérer et qui va faire en sorte que le LSD, tout simplement, va perdre sa place privilégiée. Ça reste, puis on boucle la boucle, que ces trois petites lettres continuent d'être étincelantes dans notre imaginaire collectif occidental. Ça signifie encore... On associe encore cette drogue-là à une époque, à un style, la contre-culture, donc à la sociologie de l'époque, mais à un style artistique qui va se développer aussi. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui de ça? Il y a une fascination, je pense, qui existe et qui continue de perdurer pour le LSD. Je ne pense pas que cette fascination-là irait jusqu'à reconsommer. On le sait, de toute façon, c'est introuvable maintenant. C'est très difficile. Il y a toutes les drogues de synthèse, malheureusement, qui ont pris le pas. Mais je pense qu'il y a encore cette idée-là d'éclatement des sens qui est associé au LSD qui continue de fasciner encore aujourd'hui. Catherine Ferland, historienne, habituée de l'émission. Merci beaucoup, Catherine. Merci. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.